été élu au Congrès. En France, deuxième nuit de recherche à Marseille. Deux jours après l'effondrement de trois immeubles, les pompiers tentent toujours ce matin de retrouver d'éventuels survivants dans les décombres. Hier, quatre corps ont été découverts. Selon le procureur de la République, il y a encore au moins quatre personnes portées disparues. Une centaine de personnes qui vivaient dans des bâtiments voisins ont par ailleurs été évacuées par mesure de sécurité. Un coup de filet antiterroriste dans le milieu de l'ultra-droite. Six personnes ont été arrêtées en Moselle et en Ille-et-Vilaine hier. Il s'agit de cinq hommes et d'une femme âgée de 22 à 62 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu s'en prendre à Emmanuel Macron. Ils ont été placés en garde à vue. De plus en plus d'expulsions, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait hier soir un premier bilan après l'entrée en vigueur mi-septembre de la loi Asile-Immigration. Il a annoncé que les expulsions d'étrangers en situation irrégulière avaient augmenté de 20% cette année. Suite de la saison des prix littéraires, Raph. Avec aujourd'hui la remise à la mi-journée des très attendus Goncourt et Renaudot. Hier, c'est l'écrivain Pierre Guyotat qui a reçu le prix Médicis pour son livre Idiotie, qui raconte son passage à l'âge adulte dans les années 60. Et puis les sports au foot, Paris reste dans la course. Le PSG a terminé sur un nul un partout hier soir à Naples à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Le club de la capitale, qui est troisième de son groupe, peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale. En revanche, c'est définitivement terminé pour Monaco, battu 4-0 par Bruges. Ce soir, à 21h, Lyon reçoit les Allemands d'Offenheim. Et puis sur la route du Rhum, François Gabart est toujours en tête ce matin. Il est suivi de très très près par Francis Joyon. Hier, le trimaran d'Armel Lecléache a chaviré au large des Açores. La météo dans la matinée, une perturbation pluvieuse s'étendra du bassin aquitain au bassin parisien. Le vent soufflera fort encore dans le nord-ouest. Il y aura aussi quelques averses sur les Cévennes, le sud de la région PACA et la Corse. L'après-midi, la pluie va se décaler sur la moitié sud-est du pays jusqu'au pourtour méditerranéen et les précipitations vont se renforcer à l'ouest, près des Pyrénées où l'on attend de la neige à partir de 2300 mètres. Les températures, elles restent encore assez douces pour la saison. 9 degrés à Bourges et à Strasbourg ce matin, 10 à Calais, Paris et Poitiers, 12 à Aubagne, 13 à Mimizan et 16 à Bonifacio. L'après-midi, on attend 12 degrés à Épernay, Auxerre et Rennes, 15 à Lyon et 16 à Grenoble. 6h02, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Et puis bonjour à toute l'équipe, bonjour Jonathan O'Donnell. Bonjour, bonjour. Tout le monde est là ce matin, Max qui s'occupe des réseaux sociaux. Oui, bonjour. Bonjour Jérémy qui est aux manettes. Je suis là, bonjour. C'est toi qui as les CD? Oui. C'est toi qui as la musique? Quelle folie. Jules, Anaël, Clara, bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue, voici The Cardigans, My Favorite Game sur RTL2. But in- Cardigan sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Le double expresso RTL2 de 6h à 9h. Bonjour et bienvenue dans le double expresso. On est en pleine forme. On est heureux de vous retrouver. On est mercredi matin. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bon, alors Jonathan Donnel qu'on a présenté tout à l'heure sera là à 6h55 et 8h55. Évidemment. Ah, ce sera le top 3 de l'actu. Tout à fait. Et on peut le dire, tu seras à Lille aussi, à Émilie-Lilloise. Ah oui. Bah oui, vendredi et samedi, 19h30, au Spotlight de Lille pour le spectacle. Venez. Ça y est, commence à faire le tour de France. C'est le tournée, attention. Ah, ça y est, là, c'est vedette maintenant. Spotlight, tu sais, j'ai l'impression que c'est. Hey, ça à l'américaine. Hein, dis donc. Ouais, on est après. Fiers de toi. Moi aussi. Ça va aller boire des coups, ça va aller danser avec des Lilloises. Quoi, il est fier de lui, il est content. On l'a dit, c'est mercredi, donc c'est la journée des enfants. Oui. Sachez que 57% des parents culpabilisent de ne pas passer assez de temps avec leur bambin. C'est selon le baromètre de la relation parent-enfant chez Ipsos. Bah oui, toi, papa. Non, je passe beaucoup de temps. Mais oui, c'est bien. Vrai, toi, tes horaires te permettent de... Voilà, alors je loupe le matin. Forcément, ah bah oui. Je peux pas. Tu peux pas les emmener à l'école. Pas, voilà, comme Jérémy d'ailleurs, mais par contre, on peut aller les chercher à l'école, on peut passer les mercredis après-midi, tous les week-ends, c'est un avantage. Et si tu retournes l'info, ça fait 43% de papas qui s'en foutent. Par exemple, tu vois, ils sont de passer plus de temps à leurs enfants. Oh non, ça va. Oh, au spotlight. Une phrase, une punchline. Il dénonce. Et puis de vendredi, on aura un invité. Justine, je te laisse le présenter parce que c'est un ami de la famille. Ce sera Jacob Banks, j'ai trop hâte. Alors on disait Jacob Banks jusqu'à hier. Et maintenant, on ce sera Jacob Banks, n'oubliez pas, un vendredi quand vous le recevrez. Ah bah, on l'écoute, voici Unknown. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured. Tell me you've been betrayed. What I've done to you. Even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache. What is left? Forgetting how it started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been touching. Jacob Banks qui sera notre invité vendredi matin en direct des 8h dans le double expresso RTL2. Attention, attends, écoutez. Oh non, j'aime pas. Oh là là. Je vais vous emmener dans l'espace pour l'info expresso.

burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. 16h16, bonjour à tous et bon réveil évidemment. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. On est mercredi matin, c'est le 7 novembre. Tiens, on va repartir dans les années 80 avec un grand classique. Vous vous souvenez du clip de cette chanson? Pas du tout, du tout, du pas tout. Pas du sincèrement. Tout. En plus, Jonathan, Jérémy, non? Non, franchement. Non. Ils sont tous les deux, Phil Collins et Philippe Bailey. Et à l'époque, on avait le droit de relever les manches des vestes. C'était pas un regard. Mais tu sais, il l'est remonté façon années 80. Bah encore maintenant. Et ben c'est revenu, mais pendant très longtemps, c'était une honte. Bon, on les écoute. C'est The Lover sur RTL2. Dans le double expresso RTL 2. L'info expresso RTL 2. Alors attention. Attends. Non. Ne dis rien. Ah, ne dis ah rien. Ah ben non, mais je dirais que je suis même pas au courant moi. Chut, 6h20. Ah, ça j'aime bien. Les enfants. J'ai trouvé ça hier sur CNews. J'ai fait des pieds et des mains pour que ce soit dans l'Info Expresso de ce matin. Et Max, que vous avez les réseaux sociaux, il est comme moi, il est tout foufou. Et vous n'êtes pas au courant parce que vous ne l'avez pas vu. Enfin, je ne sais pas si tu es au courant, Justine, mais un objet spatial en forme de cigare repéré l'année dernière dans notre système solaire pourrait être, mais plus forte que jamais la probabilité, être un vaisseau extraterrestre. Non, mais elle rigole pas. C'est vrai. Mais elle rigole. Mais bah oui, je rigole. Moi, la dame, écoutez bien ce que je vous dis. Ce serait un vaisseau extraterrestre venu étudier la Terre. C'est une hypothèse qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, sauf que ce sont les chercheurs de l'université d'Harvard qui l'affirment. Ouais. Non, mais attends, on n'est pas en train de t'expliquer que c'est Thierry Lipimpon sur le Chihuahua, c'est l'université d'Harvard. Oui, ça tombe, ils nous écoutent d'ailleurs. L'université d'Harvard, parfois, ils ont des sondages. Non, des sondages. D'abord, ils ne font pas de sondages, madame, ils font des études. Surnommé Wa'umama, c'est pas facile à dire. Dans la langue hawaïenne, ça signifie un messager venu d'un passé lointain. Ça avait été repéré déjà en octobre 2017. Et en fait, ça pourrait être un nouveau type d'objet interstellaire, ni une comète, ni une astéroïde, mais vraiment un objet envoyé par des extraterrestres pour surveiller la Terre. Non mais vraiment ils ne savent pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui vient je te dis d'une comète ou d'une planète. C'est quand même dingue. Ça a l'air tellement d'y croire. C'est je trouve ça mignon. Mais c'est pas que j'y crois, c'est une réalité. C'est le premier objet jamais vu dans notre système solaire que l'on sait provenir d'autre part. Donc on est surveillés. Ils sont là. On est surveillés. Ouais, ils sont là, mais vu le prix de l'essence, ils sont pas prêts de revenir à mon avis. Non mais d'accord, mais bon. Oh. Il casse la magie. Vous savez ce qu'on ferait? Eh ben, je partirai explorer d'autres planètes avec Max, et puis vous resterez là à faire l'Info Express. Vous êtes touchant. Merci à Chiran sur RTL2. Walking down 29th and Park. I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you. But my darling, I am still in love with you. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. But I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Ed Sheeran sur RTL2. Il sera les 24, 25 et 26 mai prochains à Lyon dans le cadre de sa tournée européenne. Il sera également à Bordeaux le 29 mai. On y va pour l'horoscope. Allez. C'est parti pour les médailles de bronze et les cancers, Justine. Ne laissez pas les critiques vous miner le moral. Les lions. Vous n'êtes pas de bonne compagnie en ce moment. Les capricornes. La fatigue se fait ressentir. Reposez-vous. On passe aux médailles d'argent avec les béliers. L'humour sera votre atout de la journée. Les taureaux. Vous n'avez aucun doute aujourd'hui. Foncez. Gémeaux. La chance vous sourira du matin jusqu'au soir. Les vierges. Vous êtes bien dans votre peau. Vous resplendissez. Passons aux balances. Gardez votre naturel. Il plaît à votre entourage. Les scorpions. Aujourd'hui, vous êtes déterminé à avancer dans vos projets personnels. Les Verseaux. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez, bravo. Dernière médaille d'argent, les poissons. Cette semaine, de belles opportunités vont s'offrir à vous. Et pour qui la médaille d'or du jour? Pour les sagittaires, amour, famille, travail, santé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, et ben dis donc, bravo, venez jouer avec nous au 32-28, on vous attend. C'est Clara qui est au standard jeu d'RTL2. Eh ben dis donc, bravo. Ah, bravo, 1000 euros à gagner avec les copains de Brittany Ferry, c'est un très beau coffret cadeau, puis on écoutera Linkin Park. Le premier winner du jour, bah c'est un jeune chômeur qui ne devrait pas le rester très longtemps, je vous en dis pas plus. Mais voir, c'est étonnant. A tout de suite sur RTL2. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL2. RTL2, la radio pop rock. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le patron? Bon, des nouvelles de Lidl? Ah, toutes fraîches, hein. Et il y en a 8. C'est le club des frais. 8 jolies peluches à collectionner. Des fruits et légumes trop mignons, patron. Oui, bon, tu m'en dis plus? Plus? Eh ben, du 26 septembre au 25 novembre, pour 15 euros d'achat, les clients reçoivent une vignette. Et en échange de 18 vignettes plus 99 centimes, ils emportent une peluche. Moi, ma préférée, c'est le brocoli. Arrête, j'en peux plus. Ah, ben, on est mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Modalité de l'opération disponible sur lidl.fr/club des frais. Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Leclerc. Maman, viens voir. Ah, les Playmobil. Dis donc, ce rayon-là, tu l'aimes. J'adore. Regarde là, c'est le commissariat de police Playmobil. Avec 3 personnages, la salle de contrôle, les cellules et même en héliport. Ah ouais, quand même. C'est top ça pour Noël. Du 23 octobre au 8 décembre chez Leclerc, le commissariat de police Playmobil est à 59,90€. Avec en plus 10 euros en ticket Leclerc. Disponible en ligne et en magasin, voire modalité et magasin participant sur www.culture.leclerc. Allez, maman, c'est bien un commissariat. Oui, bah tu verras ça avec le Père Noël. Bonjour et bon réveil, il est 6h30, vous êtes sur RTL2 et c'est l'heure des infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Pas de vague anti-Trump aux États-Unis. Le pays se retrouve divisé au lendemain des élections de mi-mandat. Les républicains conservent le Sénat mais les démocrates prennent le contrôle partiel du Congrès. Ça n'était pas arrivé. Depuis 2010, la marge de manœuvre du président américain devrait donc être limitée jusqu'à la présidentielle de 2020. En France, Emmanuel Macron poursuit sa semaine sur les traces de la Grande Guerre. Du coup, le Conseil des ministres est délocalisé ce matin. Le gouvernement a rendez-vous à Charleville-Mézières dans les Ardennes, département symbole de la Première Guerre mondiale. Au menu du jour, la politique des territoires avec 4 dossiers clés, l'éducation, la santé, la formation et le numérique. À Marseille, le bilan grimpe à 4 morts après l'effondrement de 3 immeubles dans le centre-ville. Au moins 3 autres sont portés disparus. Les pompiers continuent de fouiller les décombres ce matin. Les habitants, eux, dénoncent l'insalubrité de l'habitat de la cité phocéenne. Il avait braqué l'une de ses profs avec une arme factice. Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux le mois dernier. C'était à Créteil, dans le Val-de-Marne. L'adolescente de 16 ans a été définitivement exclue de son lycée hier soir à l'issue d'un conseil de discipline. Même sanction pour son camarade de classe qui avait filmé la scène. La suite de la saison des prix littéraires avec aujourd'hui la remise à la mi-journée des très attendus Goncourt et Renaudot. Hier, c'est l'écrivain Pierre Guyotat qui a reçu le prix Médicis pour son livre Idiotie qui raconte son passage à l'âge adulte dans les années 60. Allez, on passe au sport et en football. La Ligue des Champions n'est pas finie pour Paris. Et non, le PSG a terminé sur un nul 1 partout hier soir à Naples à l'occasion de la 4e journée. Le club de la capitale qui est 3e de son groupe peut encore se qualifier pour les 8e de finale grâce notamment à la défaite de Lille Liverpool, battu 2-0 par l'Étoile Rouge de Belgrade. En revanche, c'est fini pour Monaco, écrasé 4-0 par Bruges. Ce soir, à 21h, Lyon reçoit les Allemands d'Offenheim. Puis sur la route du Rhum, François Gabart est toujours en tête ce matin. Il est suivi de très près par Francis Joyon. La météo dans la matinée, une perturbation pluvieuse s'étendra du bassin Aquitain au bassin parisien. Le vent va souffler fort dans le nord-ouest encore. Il y aura aussi quelques averses sur les Cévennes, le sud de la région PACA et la Corse. L'après-midi, cette pluie va se décaler sur la moitié sud-est du pays jusqu'au pourtour méditerranéen. Et les précipitations vont se renforcer dans l'ouest, près des Pyrénées notamment, où on attend de la neige à partir de 2300 mètres. Les températures, elles restent au-dessus des normales de saison. 6 degrés à Dijon ce matin, 9 à Limoges et Corté, 10 au Tréport, 12 à Crozon, 14 à Biarritz et à Cavalaire-sur-Mer. L'après-midi, on attend 12 à Arras et Aurillac, 13 à Millau, 14 à Paris et au Mans et 15 à Nancy. 6h32, bonjour à tous, bonjour à l'équipe, bonjour Justine. Et salut Greg, bonjour tout le monde. Bonjour l'équipe, je dis. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour. Mais, réveillez-vous à votre rythme, okay, hein. Okay. Prenez le temps. Si vous croisez Karine ou Ernest, faites-leur la bise, c'est leur fête aujourd'hui. Bah, bonne fête à eux. C'est Linkin Park. I close both locks below the window. I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, and the sun will set for you. The sun will set for you. And the shadow. Sur l'album Minute to Midnight, c'était Linkin Park sur RTL de Shadow of the Day. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Et tu nous parles ce matin, Greg, d'un jeune chômeur plutôt malin. Ah oui, très malin. J'ai trouvé ça sur la dépêche.fr. En fait, il est au chômage depuis plus de 6 mois. Il s'appelle Dylan. Il a 22 ans, mais c'est un bosseur né qui est incapable de rester sans emploi. Je le comprends complètement, évidemment. Donc, il se bouge énormément. Il développe plein de choses. Et en fait, comme il passe une mauvaise période, il s'est dit, il faut que je trouve un truc pour attirer l'attention et pour retrouver un emploi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a utilisé un subterfuge très ingénieux qui marche très bien parce que il a placardé des affiches en ville, quoi, qu'on trouve sur les arbres, sur les murs, avec une photo de chat, façon chat perdu, sauf que sous la photo de chat, il y a son CV et ses compétences. Du coup, ça attire l'œil. Tu t'approches de l'affiche, tu vois la photo de chat en disant, ah bah tiens, je vais peut-être l'aider, il y a un chat perdu, allô Minou, oui, j'ai retrouvé ton maître, ou l'inverse. Et la preuve, on en parle ce matin également. Et ben voilà, exactement. Du coup, ça se passe dans le Tarn, et ce jeune garçon s'est formé tout seul, et a réussi tout simplement à attirer l'œil. Et comme on en parle ce matin, on lui souhaite de trouver un job. Du coup, j'ai même un mail, si vous voulez lui donner un emploi. C'est jecherchunjob81@gmail.com, parce qu'il a même créé une adresse mail, évidemment. Je cherche un job 81@gmail.com. Du coup, ça veut dire qu'il y a 80 autres je cherche non, un job. Non. Il y a plein de mecs qui cherchent un boulot là. Allez-y. C'est vrai, généralement. C'est vrai que c'est adresse. Ouais. Moi, je mettais 33 à l'époque pour la région. Et moi, 44 pour non, c'est vrai. Nos premières adresses mail, c'était ça. Bravo, Dylan. Ce matin, c'était notre winner et on en a parlé, évidemment. Gossip, Heavy Cross sur RTL. It's up to me.

Bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Et bon réveil évidemment avec Boulevard Désert avant le tube de la brosse à dents RTL 2. Qu'importe le temps et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens, comment faire pour faire autrement que ça. Et qu'importe le bruit et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit. Oui, j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sous les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sous les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala. Me dis que toi aussi, parala, parala, parala, parala, parala, parala, me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveille-moi, c'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi, oui c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous j'ai fui. Je suis parti pour mauvaise raison, je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sous les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sous les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala, palala, palala, me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala. Me dis que toi aussi. Désert sur RTL2, je me dis que toi aussi. Ah. RTL2, le tube de la brosse à dents. Allez, nous allons jouer avec Christelle qui est avec nous ce matin. Bonjour Christelle. Oui, bonjour Greg, bonjour Justine. Et salut Christelle, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. On est heureux de vous accueillir. Vous êtes dans le Loiret, pas très loin d'Orléans, à Neuville-aux-Bois, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, vous êtes réveillée depuis quelle heure? Alors moi, depuis 4h20, parce que je termine ma tournée, je distribue La République du Centre le matin. Ah, d'accord. Vous nous livrez les journaux. J'ai fini dans 5 minutes. Ah, d'accord. Voilà. Et du coup, on vous accompagne un petit peu, au moins entre 6h et 7h au début, pendant la tournée, quoi. Tous les matins, ma radio, en fait, elle est bloquée sur vous. C'est bien. Alors, je vous le dis, Christelle, vous ne touchez à rien. C'est parfait. Rien. On est très heureux de vous accueillir. Et je vais vous présenter un personnage haut en couleur, très rock'n'roll, très ringard aussi. C'est Bruce Springsteen. Salut, Bruce. Oh yeah, bonjour les pop rockers, ici votre rocker le plus bros CBG de la bande FM. Oh yeah. Bros CBG. Eh ouais. Super. Vous allez pouvoir gagner un séjour Brittany Ferries, un coffret cadeau d'une valeur de 1000 euros, Christelle, pour découvrir l'Angleterre et Londres notamment. Vous êtes prête à écouter sa chanson? Soyez attentive. Oui. Olivia Bros. Super. What's qu'on l'entend souvent sur RTL2. Ah, je suis pas sûre. Allez-y. Je pense que c'est un jour j'irai à New York avec toi. Ah non, pas ah. Oh, je suis dégoûtée. C'était Roxane. Police. Police, en plus, c'est mon groupe phare. Oh non, j'adore. Non. C'est pas vrai, j'ai pas reconnu. Oh, c'est nul. Mais non, non, non, vous n'êtes pas nul, c'est non, très c'est dur. Attendez, c'est pas évident. Bah, on va vous offrir le mug du double expresso RTL2. Et puis, Justine, on offre un autre cadeau à Christelle. L'ensemble Color Prisme de Big Bet Connected. Voilà, double D'accord. cadeau pour vous. On vous embrasse, Merci. On vous souhaite une belle journée, une bonne fin de tournée. Et Super. Christelle, Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2 Et ben, double expresso. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, Roxanne sur RTL2. Le double expresso RTL2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Après l'icône Bruce Springsteen, voici la vedette Jonathan O'Donnell. C'est son top 3 de l'actu. Bonjour Jonathan. Bonjour Grégory, bonjour Justine, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. La vedette vous emmène en avion. D'accord. Bah, un vol Orlando-Londres a mis 3 jours à arriver à destination. Et les passagers ont dû dormir dans l'aéroport de New York. C'est long, hein. Sympa. Ah ouais, c'est un peu long. Et ça me rappelle quand même la fois où Justine a voulu nous conduire de Paris à Deauville et qu'on a dormi à Toulouse. Tu vois, c'est... Très beau voyage. Mon sens de l'orientation légendaire. Allez, on va enchaîner avec une polémique. Melania Trump a laissé une facture de 95 000 $ dans un hôtel du Caire en Égypte en y restant que 6 heures. Hein ouais. Bon, après ça va vite à l'hôtel. Hein. Tu prends un Toblerone, un coca dans le frigo de la chambre, ça y est. Hein, si, ma femme part pas toute seule 6 heures dans un hôtel. Hein. Ouais, c'est bizarre. Tu vois quand ce même que aussi. Je veux dire, c'est. Ah, ça ouais, m'angoisse. Ça chelou. Parle pas de ce sujet. Allez. C'est l'infotechnologie. Une société californienne a mis au point un vibromasseur. Ah. Aucun rapport. Non, aucun rapport. S'il te plaît. Doté d'une intelligence artificielle avec lequel on peut discuter. Ah. Voilà, ils sont sur le point d'inventer l'homme en fait. Hein, c'est, Bien joué les gars. Eh oui, l'homme on peut pas toujours discuter. C'est souvent ce qu'on nous reproche. Ça dépend, ça dépend. Eh ben ça commence bien cette histoire, c'est parfait. You Two et Eagle Eye Cherry pour le son pop rock d'RTL2 ainsi que vos infos. Il est 6h56. RTL2 présente 5 Seconds of Summer et leur single Young Blood.

Un coup de filet antiterroriste dans le milieu de l'ultra-droite. 6 personnes ont été arrêtées en Moselle et en Ille-et-Vilaine hier. Il s'agit de 5 hommes et d'une femme âgée de 22 à 62 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu s'en prendre à Emmanuel Macron. Ils ont été placés en garde à vue. Depuis l'an dernier, c'est la troisième fois qu'un groupuscule d'extrême droite est démantelé. De plus en plus d'expulsions, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a fait hier soir un premier bilan après l'entrée en vigueur mi-septembre de la loi Asile-Immigration. Il annonce que les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 20% cette année. En 2017, il y a eu 14 859 éloignements forcés. Les sports en foot, Paris reste dans la course. Le PSG a terminé sur un nul un partout hier soir à Naples à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Le club de la capitale, qui est troisième de son groupe, peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale. En revanche, c'est terminé pour Monaco, battu 4-0 par Bruges. Ce soir, à 21h, Lyon reçoit les Allemands d'Offenheim. Sur la route du Rhum, enfin, François Gabart est toujours en tête ce matin. Selon le dernier pointage, il est suivi de très près par Francis Joyon. Hier, Armel Lecléache a dû abandonner son maxi trimaran à Chaviré. La météo dans la matinée, une perturbation pluvieuse s'étendra du bassin aquitain au bassin parisien. Le vent soufflera fort encore dans le nord-ouest. Il y aura aussi quelques averses sur les Cévennes, le sud de la région PACA et la Corse. L'après-midi, la pluie va se décaler sur la moitié sud-est du pays jusqu'au pourtour méditerranéen. Les précipitations vont se renforcer dans l'ouest près des Pyrénées. On attend de la neige à partir de 2300 mètres. Les températures, elles restent douces pour la saison. C'est 9 degrés à Bourges et à Strasbourg ce matin, 10 à Calais, Paris, Poitiers, 12 à Cargès, 13 à Arcachon, 14 à Monaco. L'après-midi, on attend 12 degrés à Épernay, à Auxerre et à Rennes, 15 à Lyon, 16 à Grenoble et 17 degrés à Collioure. Bon réveil avec le double expresso RTL 2. Le son paprac. When you look so good, the pain in your face doesn't show. sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Avec le double expresso RTL 2. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce double expresso RTL 2. On est mercredi, c'est le 7 novembre. Bonjour l'équipe. Bonjour. Ah bah tiens, puisque vous êtes en chœur et en stéréo, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans la banque RTL 2 tout à l'heure à 7h45 jusqu'à 10 000 euros. On a poussé tous les cris jusqu'à dimanche soir. Ça y est, ça s'est fait. Bonjour Justine. Salut. Ça va? Oui, toi Greg? Oui, ça va bien. Les enfants là, Anaëlle et Clara, on vous entend rigoler. Pourquoi vous rigolez? Bah à cause de Justine. Ah bah voilà. Et bah, c'est, oui, grâce, c'est grâce à Justine. Attention, générique. Ça vous dit quoi ça? Burger Quiz. Je connais, mais... On a les noms des successeurs d'Alain Chabat, la présentation de Burger Quiz pour la prochaine saison. Parce qu'il va arrêter complètement. Non, non, il va revenir aussi de temps en temps quand même, mais bon, il a un agenda chargé, il est quand même acteur-réalisateur. Donc ce ne sera pas une personne, mais plusieurs animateurs... Oui, ou en tout cas comédiens. Alexandre Astier, Édouard Baird, Maurice Barthélémy, Jérôme Commandeur, Anne de Petrilli, Marina Foïs, Mathieu Madénian, Manu Payette, Jean-Paul Rouve et Gérard Darmon. C'est officiel. Beau casting. Hein. Il y a du monde. J'espère que Jonathan O'Donnell pourra aller partir. Un jour. Et moi aussi j'en rêve. Annonce au producteur. Un duo. Ah ouais. Faut être bon les gars. Un trio, on irait tous les trois. On balancerait des vannes comme ça et les gens diraient mais qui c'est. Si Grey chérie. On and close the curtains. Cause all we need is candlelight. You and me and a bottle of wine. And I'll hold you tonight. Well we know I'm going away. And how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a light on the fire and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Invité dans le double expresso RTL 2, Eglay Sherry, Save Tonight. Et vendredi, ce sera Jacob Banks. L'info expresso, Justine à suivre. Et je vais vous dire tout ce que vous voulez savoir sur le sommeil. Oh, tu m'as fait peur. Mais je vous promets, c'est rigolo. Hein. Je me suis dit, c'est la chanson de Pierre Perret. Ben, oh. Pas du tout, c'est sur le sommeil. Et c'est à suivre tout comme Indochine et Uba Stank sur RTL 2. Ouais, j'ai l'esprit mal passé. Oh, ah, tout de suite. Ah, ouais. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2.

Ah oui. Ouais, ah bon. Puisque figure-toi que 81% des Belges affirment être heureux d'être des seniors pour les plus anciens, tu vois. Bon. Alors que la moyenne européenne c'est 70%. On n'aime pas trop vieillir. Bah oui, ils sont contents. Bah, c'est pas mal 70% quand même. Ouais, mais 80 c'est mieux. Okay. Merci. C'était un excellent débat. Merci à Delchine avant l'info expresso du jour sur RTL. De bon réveil. Encore un jour dans ma vie où je n'ai pas envie de rester en place. L'été français, leur tournée a repris jeudi dernier. Prochain concert demain à Toulouse. Ils seront à l'Accor Hôtel Arena de Paris les 14, 16 et 17 novembre prochains. C'est complet. L'info expresso RTL 2. C'est toujours complet avec Indochine. Du coup, ils rajoutent des dates. Incroyable. Justine, tu vas nous parler du sommeil dans l'info expresso. J'ai besoin de vous tous. On va parler sommeil ensemble. Je me suis intéressée à une étude Ipsos trouvée sur le magazine Biba que j'aime beaucoup lire. Mmh. Voilà. Et j'ai appris qu'un Français sur trois avouait préférer dormir seul. Vous qui, qui êtes tous en couple. C'est vrai que vous êtes tous en couple ici. Ensemble. Très soudés, on s'aime énormément. Vous êtes en couple depuis un moment. Vous préférez dormir avec votre amoureuse ou vous préférez, avouez-le, elle n'écoute pas, dormir seule? Bah, moi, elle écoute. ça veut dire qu'il ne va pas oser. Ouais. Non, je dors à deux. Je ne dors pas seul. Tu préfères dormir? Tu veux dire, à part quand on s'engueule. Ah, mais est-ce que tu préfères? Non, je préfère dormir à deux. Non, je préfère dormir à deux, mais je dors mieux seul. Ah oui. Voilà. Ah non, moi je dors bien. Si, si, je dois avouer que c'est. Non, mais ça dépend de la taille du lit aussi. Oui, voilà. Moi, depuis que j'ai un 160, c'est mieux. Ça va, c'est quoi tes conditions là? Si t'as un petit 120, 140, t'es pas bien. C'est compliqué. Ok, la maison de Vitry. Si t'es en king size, bah t'es bien. Mais tu nous poses la question, très bien. Je vous mets à part. Je vais parler à Jonathan. Allez, viens. On met en moyenne 39 minutes à se rendormir, sachez-le. Je trouve ça énorme, moi. Et l'autre, il nous met la musique. Arrête avec ta musique derrière. C'est bonne nuit, les petits. Mais oui, j'ai bien compris. Et alors, la moyenne, parce que bon, nous, on a des petites nuits, parce qu'on se lève très tôt, mais en moyenne, la durée du sommeil est de 7h48 en semaine et 8h42 le week-end. Oh, le rêve. Ouais, c'est bien. C'est, pour moi, c'est le rêve, ça. 7h40 en semaine, le rêve. C'est 5h en semaine et 12h le week-end. Voilà, c'est ça. Donc, on pense comme ça. C'est énorme. Incroyable. Et enfin, dernier petit chiffre, une personne sur 5 s'assoupit devant un écran. Bah, ça, c'est moi. Oh, bah, c'est sûr. Je peux m'assoupir partout, moi, de toute façon. Ah ouais. Moi après notre émission, vous me mettez partout, je dors. Dans un coin. On va tester, on va filmer ça, on va la poser quelque part dans le métro. Et on verra si elle s'endort, notre juge national. Voici au Bastank sur RTL2, The Reason. Dans le double expresso RTL2, c'était The Reason. Il est 7h25, on va passer à l'horoscope. Les médailles de bronze avec les cancers, Greg. Ne laissez pas les critiques vous miner le moral. Les lions. Vous n'êtes pas de bonne compagnie en ce moment. Et les capricornes. La fatigue se fait ressentir, reposez-vous. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. L'humour sera votre atout de la journée. Les taureaux. Vous n'avez aucun doute aujourd'hui, foncez. Gémeaux. La chance vous sourira du matin jusqu'au soir. Vierge. Vous êtes bien dans votre peau, vous resplendissez. Les balances. Gardez votre naturel, il plaît à votre entourage. Scorpion. Aujourd'hui, vous êtes déterminé à avancer dans vos projets personnels. Les Verseaux. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez, bravo. Les poissons maintenant. Ouais, c'est moi qui ai bafouillé, je t'ai entraîné dans ma chute. Les poissons, cette semaine de belles opportunités vont s'offrir à vous. Et médaille d'or aujourd'hui pour... Les Sagittaires, amour, famille, travail, santé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Oh merci l'horoscope RTL de 7h26, nous écouterons Bruno Mars. Ça c'est bon. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. When I Was Your Man, il y aura également ma chanson du jour sur RTL2. Et puis évidemment la banque. Vous nous appelez 3228 ou banque au 74 900. Vous envoyez vos banques pour jouer avec nous sur RTL2 à 7h45.

l'étoile rouge de Belgrade. En revanche, c'est définitivement fini pour Monaco, écrasé 4-0 par Bruges. Ce soir, Lyon reçoit les Allemands d'Offenheim. Et puis sur la route du Rhum, François Gabart est toujours en tête de la course ce matin. Il est suivi de très près par Francis Joyon. La météo dans la matinée, une perturbation pluvieuse s'étendra du bassin aquitain au bassin parisien. Le vent continuera de souffler encore assez fort ce matin dans le nord-ouest. Il y aura aussi quelques averses sur les Cévennes, le sud de la région PACA et la Corse. L'après-midi, la pluie va se décaler sur la moitié sud-est du pays jusqu'au pourtour méditerranéen. Les précipitations vont se renforcer dans l'ouest aussi, notamment près des Pyrénées, où l'on attend aussi de la neige à partir de 2300 mètres. Les températures sont au-dessus des normales de saison, 6 degrés à Dijon, ce matin 9 à Limoges, 10 au Touquet, 13 à Saint-Malo, à Bastia et à Saint-Tropez, 14 à Biarritz. L'après-midi, on attend 12 à Arras, 14 à Paris et Tours, 15 à Nancy et 16 à Nîmes. 7h32, merci. Retour des infos dans moins d'une demi-heure dans le double expresso RTL 2. Voici Bruno Mars avant la chanson du jour RTL 2. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. She's dancing with another man. My pride, my ego, my needs and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I never, never get to clean up the mess I haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. She's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Bruno Mars, When I Was Your Man sur RTL 2, 8h25. RTL 2, la chanson du jour. Ah, une chanson du jour qu'on va adorer. Ah, alors, c'est un indice. Ah bah, le roi de la pop. Michael. Le roi de la pop. Hey, j'aurais pu jouer à Pyramide. Non. Si, je suis pas. Ah, non, Pyramide, c'est un mot, c'est pas un bruit. Ouais, c'est pas faux. Bah, j'aurais inventé Pyramide du bruit. J'aurais inventé, exactement, un nouveau jeu. Man in the Mirror de Michael Jackson sur l'album Bad, on est en janvier 88. C'est l'une des deux chansons de l'album Bad que Michael Jackson n'a pas écrit. D'ailleurs, pour info, toujours produit par Quincy Jones. Alors, c'est pas juste la chanson d'un homme dans le miroir, une fois qu'on a traduit un Man in the Mirror. Non, c'est, en fait, c'est de l'introspection. C'est le changement, c'est l'évolution. C'est-à-dire, se regarder, se dire, bah, je suis capable de changer. Est-ce que c'est un peu autobiographique? Oui. tout changement démarre justement par soi-même. C'est ce que nous dit la chanson de Michael Jackson. Il a été numéro 1 aux États-Unis, ça n'étonnera personne. C'est le quatrième single numéro 1 sur un seul album. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que représentait Michael Jackson, évidemment, à cette époque. C'est une chanson bien plus profonde, bien plus intime que ce que le titre suggère. On va l'écouter. C'est ma chanson du jour. C'est MG, Michael Jackson, dans le double expresso RTL 2, Man in the Mirror. Profitez. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one man flow. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. I'm asking him to change his ways. Michael Jackson dans ma chanson du jour, Man in the Mirror, dans le double expresso RTL2. Je vous recommande le clip que vous trouvez sur la page Facebook. Max vient de vous le poster. Oui. À l'instant, Max qui s'occupe des réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a les grands hommes qui ont marqué l'histoire positivement et négativement. Et donc, c'est cette histoire d'introspection et de changer. Michael Jackson était à l'honneur ce matin. On va jouer à la banque. Appelez-nous 3228 ou sinon, vous envoyez un petit SMS, le mot banque au 74-900 pour gagner plein de cadeaux. Elle est pleine, la banque, là. Ah, bah oui, alors là, il y a des séjours au ski pour aller à Risoul dans les Alpes du Sud. Magnifique station. Il y a également des téléphones, il y a des tablettes numériques. Il y a jusqu'à 10 000 euros à gagner. Et pour le son pop rock, il y aura. Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon sur RTL. Ne bougez pas, on compte sur vous. À tout de suite. C'est Francis Zégut, bienvenue au Pop Rock Station Club. Tous les soirs, entre 22h et minuit, deux salles, deux ambiances où vous pourrez découvrir ma sélection sur le dance floor. RTL 2, open bar sur les reprises originales, des classiques, des lives et des nouveautés pour des cocktails explosifs en happy hour. Entrée gratuite pour les filles et les ours polaires. Demain soir, 22h minuit, Pop Rock Station by Zégut sur RTL 2. Le mot de passe pour entrer, merci madame. Cofidis et Stéphanie Renouvin présentent Préjugé numéro 12. Les femmes se posent toujours trop de questions. Maxime nous écrit « Je suis un grand fan, vous êtes mon bol d'air frais quotidien ». Sympa Maxime. Par contre, quand il dit fan, il veut dire de moi ou de l'émission? Non, parce que je veux surtout pas occulter le reste de l'équipe, moi, hein, genre la fille qui prend toute la place. L'enfer. Mais peut-être qu'en fait, il aime tout le monde dans cette émission, sauf moi. C'est vrai ça, il a pas dit « Je suis fan de Stéphanie ». On peut se poser la question, non? Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Changez votre regard sur les préjugés. On a pensé à vous, avec ces cookies nougati netto fabriqués à partir de farine de blé français. Leur prix ? 69 centimes seulement. Avec nos 3000 produits netto, on répond à tous vos besoins du quotidien. Netto, le discounter qui fait la différence. 200 grammes, soit 3,45 le kilo. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Netto vous rembourse deux fois la différence. Modalité sur netto.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Roulez en Peugeot maintenant. Commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire la compacte urbaine Peugeot 208 et si vous êtes impatient de déjouer les contraintes de la ville et de vous garer facilement avec son parc assist, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre Peugeot 208. LLD 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Le son pop rock RTL2 à tout moment avec vous, avec l'appli RTL2. There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Fabrication, grand scheme. Well, I am. Sur RTL2. C'est l'heure de la banque RTL2. Bonjour Sigrid. Bonjour Greg, bonjour Lucine. Salut Sigrid. Ça va bien? Bien, un petit peu stressée, mais ça va, je suis super contente de vous avoir. Mais oui, mais nous aussi on est très heureux, ne soyez pas stressés, tout va bien, c'est la famille Pop Rock. Vous êtes à Tanis, c'est ça? C'est ça, à côté du Mont-Saint-Michel. Ah ouais. La chance. Ah, c'est bien, c'est beau. Je prononce le S ou pas? Tanis, on prononce ? Tanis, on prononce le S. D'accord, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie ? Racontez-nous un petit peu. Je suis fan de voyage. Comme Justine, je me suis mise à la course, mais depuis le mois de juin. C'est bien, bravo. C'est tout récent. Vous faites combien à peu près ? Vous courez combien de kilomètres ? Mon maximum, là, j'ai fait une course de 8 kilomètres. Bah, c'est bien. Et depuis cet été, bravo. Oh, bravo. Merci. C'est bien, on est content pour vous. Vous êtes sportif, vous avez peut-être gagné du coup une montre connectée, pourquoi pas. Si vous aimez les voyages ou le sport, il y a des séjours au ski, ça marche très très bien également. Et puis il y a jusqu'à 10 000 euros à gagner avec pas mal de paliers intermédiaires et de surprises. Attention au coffre vide, c'est la banque RTL2. Vous êtes prête? On y va, Sigrid. Top chrono, une minute. Coffre 20. Une Xbox One X. Waouh, 500 euros. Hein. C'est bien, mais je suis pas très jeu vidéo, donc je passe. Allez, on continue. Coffre 2. La brosse à dents de Bruce Springsteen. Wow. Quand même. Oh non, elle est cher. Oh, coffre 3, c'est dommage. Un séjour avec la compagnie aérienne Level. 750 euros. Deux billets d'avion aller-retour pour New York ou Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France et hébergement de 3 nuits. Alors. Ah, là c'est ah, dur. Là c'est la classe. Il vous reste 22 secondes exactement. Mais il faut faire vite du coup parce que là c'est quand même un bon voyage. Vous aimez les voyages. Il y a peut-être mieux derrière et peut-être moins bien. Oui, 15 secondes. Je vais m'arrêter. Je crois que je vais m'arrêter. Je vais prendre. On prend la compagnie Aérienne Level et RTL2 qui vous offre votre voyage. Oui, oui, oui. Et bon, allez bon. Ah, c'est cool. Bravo, Sigrid. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Si je peux juste passer un message. Ouais. Oui, allez-y. Doudou, prépare les valises. Ah oui, parce qu'il y a l'hébergement, il y a 3 nuits prévues sur place et l'aller-retour, effectivement. Vous rajouterez les nuits si vous voulez. Vous partez à New York, Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France. Et moi, j'ai une petite requête. Vous pourrez m'envoyer, nous envoyer une carte postale pour qu'on l'affiche dans le bureau, s'il vous plaît, Sigrid. Eh ben voilà. Il n'y a pas de souci. Bravo. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant? Il restait 9 secondes. Un séjour au Futuroscope pour 4 personnes. Bah, c'était bien aussi, mais bon, c'est autre chose. C'est un voyage. Bah voilà, bah bravo, on est très heureux pour vous. On vous embrasse, Sigrid, très belle journée et... Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2? Un double expresso, bien sûr. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Shotgun, Georges Ezra sur RTL de 7h56. RTL 2, les savoirs inutiles. Pour épater les copains. Sigrid a gagné un séjour, possiblement à New York. Elle choisira la destination. On part à New York ce matin. Oui, Justine. Direction les États-Unis d'Amérique ce matin. Et donc New York.

8h avant d'écouter Prince et Gauthier. Voici vos infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. C'est terrible, le bilan s'alourdit à Marseille. Deux jours après l'effondrement de trois immeubles dans le centre-ville, un cinquième corps a été découvert dans les gravats ce matin. Les pompiers poursuivent leurs recherches, mais les chances de retrouver des survivants sont désormais quasi nulles. Au moins trois autres personnes sont toujours portées disparues. Et alors que la polémique enfle autour de la vétusté du quartier, une centaine d'habitants qui vivaient dans des bâtiments voisins ont été évacués par mesure de sécurité. Un coup de filet antiterroriste dans le milieu de l'ultra-droite. Six personnes ont été arrêtées en Moselle et en Ille-et-Vilaine hier. Il s'agit de cinq hommes et d'une femme âgée de 22 à 62 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu s'en prendre à Emmanuel Macron. Ils ont été placés en garde à vue. Depuis l'an dernier, c'est la troisième fois qu'un groupuscule d'extrême droite est démantelé. Facebook en guerre contre le harcèlement. Le réseau social annonce ce matin le lancement en France d'un fonds pour le civisme en ligne. Doté d'€1 million pour l'an prochain, il soutiendra des projets contre le harcèlement chez les jeunes. La structure sera animée par un comité d'experts, parents d'élèves, pédopsychiatres ou encore youtubeurs. Il revendique un immense succès aux États-Unis. Donald Trump remercie ses partisans ce matin. À l'issue des élections législatives de mi-mandat, les Républicains conservent la majorité au Sénat. En revanche, comme attendu, les démocrates, eux, prennent le contrôle de la Chambre des représentants. Ils peuvent désormais entraver une partie du programme du président. À noter que pour la première fois dans l'histoire du pays, deux Amérindiennes et deux musulmanes ont été élues au Congrès. Les sports, foot, le Paris Saint-Germain reste dans la course. Et oui, Paris qui a terminé sur un nul un partout hier soir à Naples à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Le club de la capitale qui est troisième de son groupe peut encore se qualifier donc pour les huitièmes de finale. En revanche, c'est fini pour Monaco, battu 4-0 par Bruges. Le Barça, lui, est d'ores et déjà qualifié. Ce soir, à 21h, Lyon reçoit les Allemands d'Offenheim. Sur la route du Rhum, enfin, François Gabart est toujours en tête ce matin. Il est suivi de très près par Francis Joyon. Hier, le maxi trimaran d'Armel Leclerc à Chaviré, le skipper est sain et sauf. La météo dans la matinée, une perturbation pluvieuse s'étendra du bassin aquitain au bassin parisien. Le vent continuera de souffler fort encore dans le nord-ouest. Il y aura aussi quelques averses sur les Cévennes, le sud de la région PACA et la Corse. L'après-midi, cette pluie va se décaler sur la moitié est du pays jusqu'au pourtour méditerranéen. Les précipitations vont aussi se renforcer dans l'ouest, notamment près des Pyrénées, où l'on attend de la neige à partir de 2300 mètres. Les températures, elles restent un peu au-dessus des normales de saison. 6 degrés ce matin à Dijon, 9 à Limoges, 10 au Touquet, 13 à Saint-Brieuc, à Bastia et à Saint-Tropez, 14 degrés à Biarritz. L'après-midi, on attend 12 à Arras et Aurillac, 14 à Paris et Tours et 15 à Nancy. 8h03, il est une bonne tête de mercredi ce mercredi. Tu veux que je te dise bonjour Justine? Bonjour Greg, ouais. Bonjour à tous. Bonne boucle de mercredi. Voici Gauthier, Somebody That I Used To Know dans le double expresso RTL. Change up. Faustino Gauthier sur RTL 2. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. 8h07, bonjour à tous, bonjour l'équipe. Bonjour. Bonjour Justine. Salut Greg. Ça va? Ouais. Bonjour Jonathan Donnel. Bonjour, bonjour. Fin d'émission, 8h55. Oui, exactement, top 3 de l'actu. Maxi, le taquet, tu n'arrêtes pas d'être sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis en train de rédiger là. Ah, c'est bien, ça bosse, hein, c'est notre responsable des réseaux sociaux. Et il vous répond aussi. Oui, bien sûr. Il nous lit tous les messages, on lit tout. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos messages. Et bonjour à Jérémy qui réalise l'émission. Salut l'équipe. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Forme, bon, tout va bien. Bonjour à Naël, Clara, Jules, évidemment. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Raphaël. Parce que rien ne peut arriver. Caravan. 43 ans pour le chanteur Raphaël. Il chantait ça aussi quand même. Hein. Quelques tubes. Hein. Il en a tellement de tubes. Il y avait ça aussi. 150 ans, on n'y pensera même plus. Et puis c'est une grosse journée pour le son pop rock. C'est l'anniversaire de David Guetta. Ah non, pardon, je me suis trompé. C'est vrai, mais c'est surtout de Charline Spiteri, chanteuse de Texas. Et ils ont le même âge avec David Guetta, tous les deux. Qui ça? Ah oui, Charline et David Guetta. D'accord, et un petit dernier, tiens, pour le plaisir. J'ai envie d'écouter Texas jusqu'à 9h. Non, on va quand même écouter Prince aussi, parce que je vous avais promis Prince. On jouera à la banque RTL 2 à 32-28, ce sera tout à l'heure à 8h45. Soyez avec nous jusqu'à 10 000 euros à gagner. Kiss Prince sur RTL 2. Okay.

product of the system, a catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half diseased, and when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily, and leave the body of my soul to be a part of me. I'll do what it takes, whatever it takes. It takes. 8h17, voici l'idole de Justine. Qu'est-ce que t'as comme idole en fait? Ah, je l'adore. C'est incroyable. Jean-Louis Aubert avant l'info expresso extraterrestre sur RTL2. Parce que les dauphins sont des rois. Seul le silence s'impose. Que ce n'est plus qu'un système et sa police américaine. Actuellement en tournée, prochain concert, ce sera le 13 novembre du côté de Nancy. Il sera également au théâtre des Jazzés à Paris. L'info expresso RTL 2. 3, 4. Ah, ah, ah, ah, ah. Les les hommes en noir, les men in black. Jusqu'ici, j'aime bien. Réguler l'activité extraterrestre. Eh bien, si tout ceci n'était pas de la fiction, et si ça existait pour de vrai. Non, Justine. Non. Ne fais pas. Non, déjà, j'ai pas fait ça. Si. Sache quand même qu'un objet spatial en forme de cigare, repéré l'année dernière dans notre système solaire, pourrait être un vaisseau extraterrestre venu étudier la Terre. C'est pas une énième théorie complètement fofolle, c'est pas sorti tout droit d'un film de science-fiction, ce sont d'éminents astronomes de l'université d'Harvard qui le disent. On parle quand même d'astronomes de l'université d'Harvard. Hein, ça, on parle pas non plus, tu vois, de Jean-Michel, de Jean-Jacques, de Pierre, de Grégory dans son salon qui regarde le ciel et qui dit « Oh, c'est Haïti !» Non. Et parce que Harvard dit « C'est bon ». Bah, Harvard, c'est beaucoup. Pardon, madame, hein, ce sont quand même des gens très intelligents. Bolo, madame, hein, quand même. Hein. Il ne s'agit, nous disent-ils, ni d'une comète, ni d'un astéroïde, mais d'un nouveau type d'objet interstellaire. Donc, quand même, ce sont des choses assez intéressantes. 10 fois plus long que large, de couleur rouge et noire, il se déplace à 315 000 km/h et il pourrait être d'origine artificielle, c'est-à-dire quand même qu'ils pensent que c'est la première sonde opérationnelle envoyée intentionnellement vers la Terre par une civilisation extraterrestre. Ouais. Ça veut dire, et je termine là-dessus parce que je sens que tu vas me contredire, on n'arrête plus. Wamuama, c'est son nom, est le premier objet jamais vu dans notre système solaire que l'on sait provenir d'autre part. On sait, c'est pas on imagine, on sait provenir d'autre part. Alors c'est très mignon, t'as l'air d'y croire très fort en tout cas, mais sache que moi j'ai un peu fouillé et ces chercheurs d'Harvard ont été très critiqués par la communauté scientifique, parce que les chiffres contiennent beaucoup, beaucoup d'incertitudes, donc ne vous emballez pas trop, les scientifiques se basent sur des faits, pas sur des croyances. Non mais, donc on se calme. C'est prouvé, c'est prouvé, oui, on sait que ça vient d'autre part. Marche. Ouais, mais vu le prix de l'essence, on n'est pas prêt de les revoir de sitôt, à mon avis. Ouais, hein. Enfin, oh, il casse la magie. Alors, tu sais quoi, on va créer un club, va, Max. Greg. Toi et moi, on va créer un club pour que les extraterrestres avec le vaisseau cigare viennent nous dire bonjour. Envoie Muse. Enfin, je vois bien que vous doutez. Ah, bah oui, tout va bien. Non. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all. Dans le double expresso RTL de Something Human. Leur nouvel album Simulation Theory sortira vendredi et ils seront en interview dans le Drive RTL 2 avec Mathilde et Eric. Ce sera à vivre à 18h ce vendredi. Ça va être un événement complètement dingue. Voici l'horoscope de ce mercredi matin. Les médailles de bronze, Justine et les cancers. Ne laissez pas les critiques vous miner le moral. Les lions. Et vous êtes de bonne compagnie en ce moment. Et les capricornes. La fatigue se fait ressentir. Reposez-vous. Médaille d'argent pour les béliers. L'humour sera votre atout de la journée. Les taureaux. Vous n'avez aucun doute aujourd'hui. Foncez. Médaille d'argent aussi pour les gémeaux. La chance vous sourira du matin jusqu'au soir. Le petit chien dans la gorge, Justine, pour les vierges. Vous êtes bien dans votre peau et vous resplendissez. Les balances. Gardez votre naturel, il plaît à votre entourage. Scorpion. Aujourd'hui, vous êtes déterminé à avancer dans vos projets personnels. Verseau. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez, bravo. Les poissons. Cette semaine, de belles opportunités vont s'offrir à vous. Et la médaille d'or du jour. C'est pour les sagittaires, amour, famille, travail, santé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, beaucoup de messages des musers, des fans de Muse qui me disent qu'il y a des dates en France. Oui, il y a des dates. Ce sera à Marseille, à Bordeaux et au Stade de France. Billets en vente le 16 novembre. Je précise, je reviens sur Muse parce qu'ils sont très, très, très, très influents. Les fans de Muse, ils ont bien raison. J'aime bien ce nom. On vous embrasse, les musers. Shawn Mendes, c'est My Blood. Charles Eddy, Zazie, Maroon 5, la banque RTL 2 et le winner du jour. Quel programme sur RTL 2. Restez avec nous. Lorsque vous écoutez Adèle, vous êtes sur RTL 2. RTL 2 vous a fait découvrir Harry Styles. Texas, c'est forcément RTL 2. RTL 2, le son pop rock. Pouvez-vous lire la ligne 6 Alors je vois un J et un I. Ah non, non, c'est un J. Aujourd'hui, c'est un grand J pour Play-Doh chez Jouet Club. 20% de remise immédiate sur les jouets Play-Doh de la marque Hasbro. Seulement chez Jouet Club. Jouet Club. Offre valable hors produit Play-Doh d'arpège, voire conditions en magasin. La France est à l'honneur chez Grand Frais. Venez découvrir les meilleurs produits de nos terroirs. Jusqu'au 10 novembre, le Saint-Marcelin IGP crémier de 80 grammes est à seulement 1,49€ la pièce. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Fabriqué en Isère, 18,63€ le kilo au lait cru de vache. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Lorsque vous êtes gérant d'une entreprise, chaque journée est un nouveau défi. Entre les rendez-vous clients et les problèmes de photocopieuse, pas le temps de passer des heures à consulter des CV. Et c'est là qu'Indeed entre en scène. Lorsque vous publiez votre offre d'emploi sur Indeed, vous pouvez définir des questions de présélection afin de ne retenir que les candidats qualifiés. Et pour encore plus d'efficacité, Indeed propose des offres d'emploi sponsorisées. Rendez-vous sur indeed.com/offres pour bénéficier de 50€ offerts. Les conditions générales s'appliquent et sont disponibles sur notre site. Monoprix ? Tu sais que t'es pressé quand tu regardes un épisode sur deux de ta série pour arriver plus vite à la fin. Et tu sais que t'es vraiment pressé quand tu fais ton footing en même temps que tes courses parce qu'avec Monoprix, tu ne t'arrêtes même pas à la caisse. Grâce à l'appli Monoprix et moi, scannez vos courses avec le service coupe-fil Monoprix et payez directement dans l'appli. Et pour la première utilisation, 5€ sont crédités sur votre carte. Monoprix, jusqu'au 31 décembre, voire conditions de la carte et de l'offre sur monoprix.fr. RTL2. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, on vous offre 10€ en bon d'achat par tranche de 100€ pour l'achat d'une télé. Eh oui, 10€ par tranche de 100€. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Conforama. Conditions et liste des magasins ouverts le 11 novembre sur conforama.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Bon, des nouvelles de Lidl ? Ah, et toutes fraîches, hein ? Et il y en a 8. C'est le club des frais. 8 jolies peluches à collectionner. Des fruits et légumes trop mignons, patron. Oui, bon, tu m'en dis plus ? Plus ? Eh ben, du 26 septembre au 25 novembre, pour 15€ d'achat, les clients reçoivent une vignette. Et en échange de 18 vignettes plus 99 centimes, ils emportent une peluche. Moi, ma préférée, c'est le brocoli. Arrête, j'en peux plus. Ah ben, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Modalité de l'opération disponible sur lidl.fr/club des frais. 8h30, il est temps de retrouver Raphaël Thomas pour les infos sur RTL 2. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Le bilan s'alourdit à Marseille. Deux jours après l'effondrement de trois immeubles, un cinquième corps a été découvert ce matin sous les gravats rue d'Aubagne. Les victimes, deux femmes, trois hommes, n'ont pas encore été identifiées. Les secours poursuivent leur recherche. Trois personnes pourraient se trouver sous les décombres. Les habitants dénoncent l'insalubrité du quartier et l'absence du maire Jean-Claude Gaudin sur place. Emmanuel Macron, lui, poursuit sa semaine sur les traces de la Grande Guerre. Du coup, le Conseil des ministres est délocalisé. Ce matin, le gouvernement a rendez-vous à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, département symbole de la Première Guerre mondiale. Au menu du jour, la politique territoriale.

Shawn Mendes sur RTL de My Blood. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. 8h36, une belle histoire trouvée sur 20minutes.fr, Justine. Les winners sont des winneuses, deux winneuses, des sœurs jumelles, originaires de Californie aux États-Unis. Elles sont tombées enceintes presque en même temps. Et figurez-vous qu'elles ont donné naissance à leur fille le même jour. Ah, les jumelles. Le même jour, c'est fou. Dingue, c'est dingue. Elles ont accouché à une heure d'intervalle. Leur terme était pourtant espacé deux jours, normalement. Ouais, c'est jouable, là, deux jours, bon. Ben oui. L'infirmière, donc, a déclaré qu'en 18 ans, au centre médical, elle n'avait jamais vu des sœurs jumelles accoucher le même jour. C'est quand même dingue. Ouais, c'est vrai. C'est étonnant, c'est une belle histoire, non ouais, franchement. C'est une belle histoire. Bah, c'est rigolo, c'est mignon. Non, mais t'as vu, dès qu'on leur balance pas des extraterrestres ou des cyclistes qui font le tour du monde avec, avec je sais pas, un lama sur la tête, là, ben les gars, ils sont là. Mais là, c'est la vraie vie, excusez-moi, c'est plutôt dingue que des sœurs jumelles accouchent en 18 ans. Anniversaire et les soirées d'anniversaire, tu vas voir. Mais c'est pas grave, elles s'aiment. Tout de suite, toi, tu vois le mal. Les jeunes mamans, en tout cas, elles se disent très heureuses de savoir que leurs filles, justement, fêteront leur anniversaire le même jour. Eh bah, si tout le monde est content, on met une musique qui donne le sourire et on se dit, voilà, un bon mercredi matin qui commence. Charles et Eddie, Would I Lie to You dans le double expresso RTL. Vous n'aimez pas le bonheur, les garçons, qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Là, comme ça, tu parlais de femme enceinte qui a accouché. Bah, moi aussi, j'ai des envies. C'est pas des fraises au chocolat, j'ai envie de jouer. Eh bien, on va jouer. Ah, on va jouer au jeu de la banque là dans 5 minutes. Appelez-nous 3228, il est encore temps. Ou sinon, vous envoyez un SMS, le mot banque au 74-900. Ah, je le vois, t'as l'œil qui frise, t'as envie de faire un petit euro. Donc, du coup, je te l'offre. On peut gagner jusqu'à combien la banque RTL 2 jusqu'à 10 000 euros. Ouais. Zazie et Maroon 5 pour le son pas proc. C'est pilule. Stop. Bonjour. C'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL 2. RTL 2, la radio pop rock.

Sur RTL 2. C'est l'heure de la banque RTL 2. Bah oui, c'est l'heure, 9h10. Bonjour Arnaud. Bonjour Justine, bonjour Greg. Bonjour, salut Arnaud. Bonjour, vous êtes à Aix-les-Bains? Exactement. Et vous faites le plus beau métier du ah monde oui, à mes vous yeux. Vous avez une belle profession. Ah oui, pareil. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Ah bah, je vends des livres. Vous êtes libraire? Exactement. J'adore aller dans les librairies. Ah, ça, je peux passer des heures là-dedans. Incroyable. Et vous avez tout type de livres? Vous avez une spécialité? Comment ça fonctionne? Absolument, non, non, absolument de tout. Pour les petits et pour les plus grands, pour tout le monde. C'est parfait. J'adore offrir des livres à mes enfants. Tu vois, bah, là, bah, je vous raconte bien, ma ça, vie. Tout le monde s'en fout, mais je vous le raconte c'est quand bien. Même. J'adore ça. Non, mais je trouve que c'est magnifique. Tu vois, une belle histoire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sur Fortnite, hein, tu comprends? Ah, bah ça, je sais. Excusez-nous, Arnaud. Hein, on est en train de papoter avec Juju. Vous voulez en reprendre un petit peu de café? Ouais, je vois ça, ça. Allez-y, je bois un café. Oui, pas de problème. Vous aimez les animaux en plus des livres? Exactement, oui, oui, oui. Vous avez plein d'animaux, c'est ça? Ouais, ouais, chien, chat, poule, enfin j'ai tout ce qu'il faut. Ah, vous avez des poules? Sympa. Ah, vous avez les œufs à la maison, vous? C'est parfait. Exactement, les œufs directs à la maison. Bah, je vois que vous aimez le ski également et des séjours au ski à gagner. Bonne chance à vous, jusqu'à 10 000 euros. Attention au coffre vide, vous connaissez le principe de la banque. Top chrono, une minute, coffre 1. Une guitare. Une guitare. Allez, on passe au coffre 2. Coffre allez. 2. Un robot pâtissier KitchenAid. 500 euros. Allez, on passe au coffre 3. Oh bah oui, mais vous voulez pas cuisiner aussi. Alors, coffre 3. Ah non. Le best-of des top 3 de Jonathan O'Donnell. Wow. Génial. Wow. Allez, on passe à la suivante. Mais ouais, bien sûr. Ça manque que dalle. Coffre 4. Un lecteur DVD. Allez, on passe au suivant. 35 secondes, coffre 5. Un séjour pour 4 personnes à Risoul, 1850. 1100 euros le séjour. Waouh, 6 jours sur le domaine de la Forêt Blanche avec appartement de location pendant une semaine pour 4 personnes. Allez, c'est tentant, mais j'ai un neige tout près, donc allez, je continue. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. On enchaîne, coffre 6. Oh non. Oh non. Ouais. Ah, le coffre vide. On vous proposait un séjour à Risoul, quand même la plus intime des grandes stations, avec 116 pistes, mais vous avez la neige à côté, comme vous l'avez dit, malheureusement. Vous alliez chercher le cash? J'y allais. Bon, bah écoutez, on ne repart pas les mains vides dans le double expresso RTL2, il n'y a jamais de perdant. Le mug de l'émission et puis une enceinte également. Une enceinte Color Prisme de Big Ben Connected pour voilà. Vous. Eh ben, merci beaucoup. Merci super. D'être fidèle à l'émission, à RTL2. Merci d'avoir joué avec nous ce matin, on vous embrasse. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. And let me close.